أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى كم tous les dimanches entre le Maghrib et le Isha, on continue quant à la biographie ou avec la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Et la semaine dernière, ou plutôt le dernier cours, on avait parlé de la bataille de Uhud et on avait terminé les principaux événements concernant, ou de parler concernant les principaux événements de cette bataille. Et on était à l'année 3 et l'année 4 de l'Hégire. Donc là, on est à l'année 4 de l'Hégire et on va parler de ce qui s'est passé pendant cette année-là. Et là, ça reste les principaux points, car comme dans la bataille de Uhud, on aurait pu s'arrêter plusieurs cours. Lakin, je cite les principaux points et les principales morales, si on veut, de cet événement-là. Donc après, vous pouvez revenir au récit prophétique authentique concernant cette bataille-là, aux paroles de savants, etc. À la kulli hal, on avait parlé des principaux points concernant cette bataille. Et là, on va à l'année 4 de l'Hégire. À l'année 4 de l'Hégire. Et ce qui est important quand on étudie la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, car c'est une étude, ce n'est pas simplement le fait d'écouter des récits authentiques, des traditions prophétiques authentiques concernant la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, ou prendre ça comme un moment de détente, parce qu'on entend, il y a certains récits qui font monter certes l'iman, et on s'arrête là. Ce n'est pas le but. Le but, quand on étudie la biographie, je dis bien étudie la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est de retenir les dates, de retenir les principaux événements, de retenir certains noms qui sont importants à retenir, de retenir les principales leçons, les principales morales de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, pour retrouver et vivre tout au long de notre vie avec cette biographie. C'est important. Quand on nous pose une question, concernant la bataille de Uhud, on connaît les principales ou les principaux événements qui ont eu lieu pendant cette bataille-là. Les principales morales à tirer ou à retenir de cet événement, on les connaît. La date quand a eu lieu la bataille de Badr, la date quand a eu lieu la bataille de Uhud, la date quand a eu lieu la bataille de Banu Qaynuqa, qui sont Banu Qaynuqa, etc. C'est des bases à connaître. Et c'est pour ça qu'on dit bien étude, car c'est une étude. C'est une étude très importante, c'est une science. La biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une science. Et si vous l'étudiez doucement, sérieusement, vous révisez, comme il se doit, l'étude de la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, je peux vous assurer à 100% que ça vous donne un énorme, c'est pas un petit, un énorme bagage au niveau de votre science religieuse. C'est un énorme bagage. Donc ici, à vous de retenir les principales dates et les principaux événements, morales, exhortations et noms. Donc l'année 4 de l'Hégire. Il y a eu plusieurs événements qui ont eu lieu l'année 4 de l'Hégire. Donc on a vu que le prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont connu une défaite, d'accord, une défaite lors de la bataille de Uhud, et ceci à cause de la désobéissance des compagnons qui étaient parmi les meilleurs des compagnons et qui étaient sur le terrain en train de combattre avec le prophète alayhi salatu wassalam, et qui étaient bien sûr les archers qui étaient sur la montagne. Donc ils ont désobéi au prophète alayhi salatu wassalam. Ça a été la cause principale de la perte de beaucoup de compagnons et beaucoup de musulmans lors de cette bataille. Et on avait tiré cette morale principale, qui est de ne pas désobéir au prophète alayhi salatu wassalam si on voulait connaître le bonheur, d'accord, et si on voulait connaître la réussite. Et le prophète alayhi salatu wassalam a patienté et a eu mal, et ce n'a pas été sa première et sa dernière épreuve. L'année 4 de l'Hégire, après cet événement qui est la bataille de Uhud, ça a permis aux Quraysh, aux Juifs, aux tribus arabes qui entouraient Médine, entre guillemets, de se rebeller. Ça a été l'opportunité de s'encourager mutuellement pour reprendre confiance et vouloir causer du tort au prophète alayhi salatu wassalam et aux compagnons. Ils se sont dit, c'est bon, ils ont connu une défaite, ils ont eu des pertes dans leur rang, donc ils ne sont pas aussi forts qu'ils le prétendaient, et on n'a pas à avoir aussi peur qu'on ne le pensait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun dans son coin a commencé à comploter contre le prophète et les compagnons. La petite rébellion. Chacun de son côté a fait sa petite rébellion et chacun a voulu déclarer, entre guillemets, la guerre au prophète alayhi salatu wasalam et les compagnons. Pourquoi? Tout simplement parce que le prophète alayhi salatu wasalam et les compagnons, après cet événement à Uhud, après cet événement-là, yani, ils ont eu une perte, ou plutôt ils ont perdu quant à leur notoriété et à leur bonne réputation. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se rebeller. Et bien sûr, il y avait certains hypocrites qui étaient derrière cette rébellion, ou qui a attisé yani, les flammes, si on veut, et parmi eux, à la tête des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, comme on va le voir. Et c'est lui qui a poussé les juifs, ou plutôt une des tribus juives qui restait encore à Médine, à se rebeller contre le prophète alayhi salatu wasalam et à persister quant à cette rébellion. On avait bien dit qu'il y avait trois tribus principales qui étaient à Médine, à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam. Il y avait les Banu Qaynuqa qui ont été chassés. Et il y a deux autres tribus dont on va parler. Il y a les Banu Nadir dont on va parler et une autre tribu qui va venir par la suite. Donc ici, il y a eu des hypocrites qui ont mis de l'huile sur le feu aussi. Mais yani, la cause principale de cette rébellion qui est venue des juifs, mais pas simplement des juifs, des Quraysh aussi, c'est l'événement qu'il y a eu à la bataille de Uhud. Et les pertes qu'ont eu les compagnons, les musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam, lors de cette bataille-là. Et la tragédie de Uhud, après que ça a donné, ou que cette tragédie a apporté une mauvaise réputation aux musulmans, donc le danger a grandi. Pour le prophète, et ainsi que pour les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a eu trois événements qui ont eu lieu. La tragédie, si on veut, avec une traduction approximative, de Raji'a. Ça, c'est des termes à retenir. La tragédie de Ar-Raji'a. Il y a eu la tragédie de Bi'ru, et ça, on verra dans la suite, Inch'Allah ta'ala. Il y a eu la deuxième tragédie, je vais en parler plus dans les détails. Il y a eu une troisième tragédie, mais je préfère prendre une tragédie par tragédie. La première tragédie, la tragédie de Ar-Raji'a. Retenez ça. Je vais doucement, ce n'est pas pour rien. La tragédie de Ar-Raji'a. C'est un endroit, Ar-Raji'a. Ça, c'est à l'an 4 de l'Hégire, après la bataille de Uhud. Vous retenez bien, on est à l'an 4 de l'Hégire, après la bataille de Uhud. Il y a eu cette tragédie-là. Au mois de Safar, de la quatrième année de l'Hégire. Il y a eu deux tribus. La première tribu, elle s'appelait Al-Qarra, et la deuxième tribu, Adl. Ces deux tribus arabes étaient venues voir le prophète alayhi salatu wassalam. Ces deux tribus sont venues voir le prophète alayhi salatu wassalam, ou les deux tribus qui venaient de ces deux endroits-là. Et ils se réclamaient de l'islam. Ils se réclamèrent de l'islam. Nous acceptons, nous adhérons à l'islam. Regardez bien ce qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ils ont dit on adhère et on se réclame de l'islam. Et ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam s'il pouvait envoyer avec eux des hommes pour pouvoir transmettre la religion de l'islam. Donc est-ce que tu peux envoyer des hommes avec nous, d'accord, pour nous soutenir et transmettre cette religion, instruire les autres personnes et yani, qui nous entourent concernant cette religion. Le prophète alayhi salatu wassalam avait le souci et a toujours eu le souci de quoi? La transmission de la religion. Il a toujours eu le souci. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 10 hommes. 10 hommes qui faisaient partie des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, bien sûr. Avec ces personnes-là qui se réclamaient de l'islam, alors que c'était que mensonge. Et regardez, chacun a essayé de comploter et chacun à sa manière. Et on voit que toutes ces personnes-là qui ont comploté contre le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont trahi le prophète alayhi salatu wassalam, ou bien on peut dire ils ont trahi les pactes qu'il y avait entre eux et le prophète alayhi salatu wassalam. Vous allez voir pourquoi. Donc ces personnes-là, ils ont dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu peux envoyer des personnes avec nous? Le prophète, il a dit, prenez 10 personnes avec vous. Ceux-là, yani, ils vont instruire ceux qui sont autour de vous. Ils partirent avec eux et arrivaient à un endroit qui s'appelait quoi? Ar-Raji'a. Il faut retenir. Ar-Raji'a. Clair? Cet endroit-là, situé entre Asafan et Mecca. Situé entre Asafan et Mecca, les deux tribus appelèrent les tribus de Benou ou bien Beni Lihyan. C'est une troisième tribu qui était alliée avec eux, avec ces deux tribus-là. Ils les ont appelés quand ils sont arrivés avec ses dix compagnons, d'accord, dans cet endroit qui était Ar-Raji', ils les ont appelés tout simplement pour lancer une attaque surprise contre les compagnons. Et donc ils sont venus à la rescousse et ils étaient à peu près 200 et ils ont tué les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire les 10 compagnons. Donc ça a été un des complots qui a été apporté par les tribus arabes contre le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont menti au prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète avait confiance en eux. Ils ont eu l'apparence, ou ils ont donné une apparence qui était l'apparence de l'islam. À l'intérieur, c'était tout l'inverse. C'est ce qu'on appelle les hypocrites. Un hypocrite, c'est quoi? Il va montrer extérieurement son appartenance à l'islam, alors qu'intérieurement, il est contre l'islam. Ça, c'est quoi? Al-nifaq al-akbar. Ça, c'est la grande hypocrisie. Le fait de montrer extérieurement ton appartenance à la religion, alors qu'intérieurement, tu es contre ce que tu montres extérieurement. Ça, c'est de la grande hypocrisie. Et celui qui tombe dans la grande hypocrisie, je dis bien la grande hypocrisie, sort de l'islam, à l'unanimité des savants. Clair ? Tandis que la petite hypocrisie, d'accord ? Les critères sont cités dans les deux hadiths authentiques. Clair ? Le prophète, alayhissalam, dans un hadith, il a dit les signes de l'hypocrite sont quatre. Clair ? Quand il parle, il ment. Quand il promet, il manque à sa promesse. Quand il s'engage, il trahit son engagement. Et quand il s'énerve, il perd toute moralité, d'accord ? Il commence à dire des choses qui sont contraires à la bonne moralité du musulman. Donc ça, c'est les critères de l'hypocrite. Celui qui a des critères de l'hypocrite, il reste dans l'islam. C'est la petite hypocrisie. Mais là, on parle de la grande hypocrisie. Comme ont eu, ou comme ont été touchés par cette grande hypocrisie, ces personnes-là qui ont comploté contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc le prophète, bien sûr, a eu mal, car le prophète, alayhi salatu wassalam, est un humain. Et Allah, azza wa jalla, dit, « Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. » Tu dois mourir, tu mourras. Et eux, ils mourront aussi. Allah s'adresse à qui? Au prophète alayhi salatu wassalam. Il mourra le prophète, il est mort le prophète alayhi salatu wassalam. Et eux, ils mourront aussi. Les compagnons sont morts. Et tout le monde est voué à mourir. Le prophète, c'était un être humain. Il a eu mal. Mais il a patienté énormément, bien plus que cela. Il a patienté comme personne n'a patienté. Il a patienté comme personne n'a patienté. Et plus une personne patiente, plus une personne patiente, et croit fermement aux versets coraniques, aux ordres, aux commandements divins, aux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus cela fera de lui un dirigeant ou une personne qui dirige les gens vers la voie droite par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit, quand il parle des Banu Israël, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Allah Azza wa Jalla dit, وَجَعَلْنَا, on a fait parmi, ou on a fait, يعني, de certaines personnes, donc il parle de Banu Israël avec une traduction approximative, donc on a rendu certains d'entre eux des dirigeants, qui dirigeaient bien sûr vers le, la voie droite. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, sous notre ordre, بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Et la cause qu'Allah Azza wa Jalla a fait de ces personnes-là, des dirigeants, des personnes qui dirigent ou qui guident par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala les gens vers la voie droite, donc des grands da'i, des grands prédicateurs, Allah Azza wa Jalla les a rendus prédicateurs, dirigeants vers le bien, vers la voie droite, quand, à quel moment? لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Avec la patience et avec leur certitude. Et quand ils croyaient fermement, بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. En nos signes. En nos signes. C'est pour ça que les savants ont dit que celui qui veut être un guide, celui qui veut être un grand prédicateur qui a de l'influence, bien sûr, il doit être sincère. Ça c'est clair, c'est la base de toute chose. Mais il se doit de patienter et de croire fermement aux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux commandements divins, au verset coranique, il doit y croire fermement. Y croire fermement, ça veut dire que quoi? On y croit sans hésitation. Et en étant apaisé quant à cette croyance. C'est pas on hésite. C'est pas on hésite quand il y a une chose claire, établie par Allah Azza wa Jal, ou son messager. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Parce que la personne qui ne patiente pas ne pourra jamais être un grand prédicateur. Il ne pourra jamais être un grand prédicateur. Car à partir du moment, comme on le dit et on le répète souvent, que tu empruntes le chemin de الدعوة إلى الله عز وجل, tu as emprunté le chemin de qui? الأنبياء والرسول. Les prophètes et les messagers. Et ceux qui ont eu ou qui ont reçu les plus grandes des épreuves, ce sont les prophètes et les messagers. Si tu ne patientes pas, tu ne pourras jamais être un grand prédicateur. Il faut patienter. Quand on dit patienter, c'est quoi? C'est patienter quant à quoi? Quant aux persécutions que tu vas recevoir. Quant aux calomnies qui vont te toucher. Quant aux mensonges qui vont te toucher. Alors que tu es dans Ad-Da'watu ilallahi Azza wa Jal. On va te critiquer comme on a critiqué le prophète alayhi salatu wassalam. On va te traiter de menteur. On va te traiter de personne qui égare les gens peut-être. On va te toucher dans ton honneur. On va te toucher dans ta famille. On va te toucher dans tes biens, dans ton physique, physiquement. Si tu patientes, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, tu seras un grand prédicateur. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, tu seras un grand prédicateur à partir du moment où tu transmets cette religion avec sincérité et science. Lakin, si tu ne patientes pas, ya Abdallah, juste simplement sur le fait que quand on te donne un conseil, tu commences à le prendre mal, tu es crispé. Ou bien quand on te taquine, quand on te taquine. C'est pour ça que certains mashaïkh, mashallah, quand ils ont des élèves, je dis bien quand ils ont des élèves, hein, en cercle fermé, parce que ça c'est des choses, yani, qu'on ne pourra pas faire dans un cours, ou dans, lors d'une conférence, ou dans un prêche, encore moins dans un prêche du vendredi, mais quand ils ont des élèves, quand ils ont des élèves, ils ont des élites, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut quelquefois? Ils testent, ils peuvent se permettre, parce que ça, ils connaissent. Ils connaissent les noms de ses élèves, ils connaissent les meilleurs de ses élèves, les personnes qui sont les meilleures dans la jurisprudence, par exemple, les personnes qui sont les meilleures dans l'apprentissage du Coran, les personnes qui sont meilleures dans telle discipline, parce qu'ils les connaissent. Il y en a ses élèves, les privilégiés, on va dire, les plus proches. Donc, avec cela, ils peuvent faire un travail plus approfondi. Et qu'est-ce qu'ils font quelquefois? Ils testent. Ça arrive, ils testent. Parce qu'il a un contact plus étroit avec ces élèves-là qu'avec les autres. Donc, il les voit, il mange avec eux, il les côtoie, etc. Donc, il les teste quelquefois. Et quelquefois, tu peux voir une personne qui est testée juste, juste sur le fait d'être taquiné, d'être un peu provoqué, juste pour le tester un peu. Et tu vois qu'il y a des personnes qui, juste quand ils sont un peu taquinés, juste un peu taquinés, ou un peu, on les fait pousser un peu à bout, en plaisantant avec eux et autres, tu vois juste en parlant avec lui, en le taquinant juste pendant 20 secondes, tu vois son visage qui change, il parle plus, il baisse sa tête, il commence à être, mashallah, dayyak, tout gêné, et il sent mal, on dirait une cocotte minute, elle va exploser. Juste quand tu le taquines un peu. Tu crois que celui-là va être un grand prédicateur? Eh ben, jamais, jamais, et jamais, souligne-le mille fois si tu veux, tant qu'il a ce comportement-là. C'est impossible. Ça c'est quoi? Simplement pour vous montrer, on en est où? On en est où? Regarde ton comportement. Regarde-toi toi-même quand tu te fais taquiner ou quand on te provoque un peu. Juste on te provoque un peu. Ou quand une personne te tient tête un peu, comment tu réagis? Est-ce que tu patientes? Est-ce que ça te passe au-dessus de la tête? Est-ce que juste le fait qu'on te taquine un peu ou qu'on te provoque un peu, ça y est, entre guillemets, tu sais plus ce que tu dis, tu n'arrives plus à te contrôler, tu t'énerves et voilà. Est-ce que tu penses que toi tu vas patienter sur le fait qu'on dise par exemple que ton épouse est une fornicatrice, comme on a dit sur le prophète alayhi salatu wassalam, ou bien plus que ça, plutôt sur l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, Aisha radiyallahu anha wa ardaha? Est-ce que tu penses que toi tu vas réussir à patienter alors que tu es jour et nuit en train de transmettre la religion, et ceux à qui tu transmets la religion du jour au lendemain ils se retournent contre toi, ils vont dire celui-là c'est un menteur et celui-là il a fait tout pour nous égarer? Je crois que ça c'est des choses qui font pas mal. Est-ce que tu penses que toi, tu vas réussir à supporter ça, ou avoir des personnes qui sont proches de toi et tu ne sais pas que ce sont des hypocrites, comme cela a eu lieu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et du jour au lendemain, ils complotent pour te tuer, toi et ta famille? Est-ce que tu penses que toi, tu vas subir des épreuves comme cela? Est-ce que tu penses que toi, tu vas subir des épreuves, ou plutôt des persécutions physiques, comme ont subi As-Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, et parmi eux Ammar avec sa mère Soumeya, avec Bilal radiyallahu anhum wa ardahum. Est-ce que tu penses que tu vas subir les persécutions physiques comme eux, alors que toi tu n'arrives même pas à patienter quand tu tombes un peu malade ou tu es un peu fatigué, tu n'arrives pas à patienter pour venir assister à un petit cours et apprendre ta religion? Simplement pour dire, et je parle pour moi le premier, on est très loin. Celui qui veut utiliser le chemin de da'watu ilallahi azza wa jal, transmettre cette religion, être la cause de la guider des gens, bien sûr, guider les gens par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que sa da'wa ait un impact vis-à-vis des gens, à lui d'être patient. Et bien sûr, ça je n'en parle pas, c'est la base de toute chose et tout acte d'adoration, d'être sincère. Et sa colère, il la met de côté. Le fait qu'il n'accepte pas les conseils, il les met de côté. Le fait qu'il n'arrive pas à patienter quand on le taquine un peu, s'il voit qu'il a ce défaut-là, car c'est un défaut-là, qu'il mette ce défaut de côté et qu'il va de l'avant et qu'il essaye d'avancer. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. C'est en faisant ce jihad, ce combat contre nous-mêmes. Amma, si tu te laisses aller et tu ne te fais jamais d'autocritique, d'accord, ou des auto-évaluations concernant ta propre personne, tu n'avanceras jamais. Et quelquefois, on a besoin de nous rappeler comment faire ces autocritiques et ces auto-évaluations pour pouvoir avancer, car on oublie de, ici, se yani, corriger quant à ces défauts qui nous paraissent quelquefois des petits défauts, mais c'est des grandes barrières pour pouvoir avancer dans الدعوة إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Et qui profère une plus belle parole que celui qui appelle à Allah عز وجل et qui œuvre, qui applique les œuvres salutaires. وقال إنني من المسلمين. Et qui dit je suis parmi les soumis. Les savants, ils disent cette dernière parole dit quoi? Montre quoi? التواضع, la modestie. Il appelle à Allah عز وجل, il applique. Et il dit, innani minal muslimin, je suis parmi les soumis à Allah Azza wa Jal. Ça c'est la modestie. Car il te faut et il te doit d'être modeste si tu veux avancer dans la religion. Et comme disent les savants, si tu veux avoir de l'impact envers les gens et envers ceux à qui tu appelles à Allah Azza wa Jal, si tu veux avoir de l'impact envers eux, sois sincère et sois modeste, comme disent les savants. Plus la personne est sincère et modeste, et plus il aura de l'impact envers les gens. Et plus la personne manque de sincérité et orgueilleux, et moins il aura de l'impact envers les gens. Donc, on voit que le prophète, c'était une petite parenthèse, a patienté et a triplé de patience lors de tous ces événements-là. Et parmi les événements qu'il y a eu aussi, dans cette même année, bien plus que cela, dans le même mois, il y a eu la bataille de Houd, ensuite la quatrième année de l'Hégire, pendant le mois de Safar. Il y a eu la première tragédie de Raji', et ensuite tout de suite est venue, dans le même mois, écoutez bien, la deuxième tragédie de cette quatrième année de l'Hégire. Et c'est la tragédie de Bi'ru Ma'ouna. C'est le puits de Ma'ouna. Bi'ru Ma'ouna. Ça c'est une tragédie concernant Bi'ru Ma'ouna, cet endroit-là. Donc qu'est-ce qu'il y a eu et qu'est-ce qu'elle... Que dit l'histoire concernant cette tragédie-là? Rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim fi al-Sahihayn. Et là, la plupart des récits prophétiques que je vais vous citer par la suite, c'est des récits prophétiques authentiques rapportés par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Ici, il y a Abu Bara Amir, ou Amir Afwan ibn Malik, un chef de la tribu de Bani Amir. Il était venu à Médine. Cette personne-là était venue à Médine. Et il s'est présenté, comme il est relaté dans Sahihain, Bukhari et Muslim, je vous cite. Il s'est présenté au prophète, alayhi salatu wassalam. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a appelé à l'islam, lui a enseigné l'islam. Abu Bara n'était pas entré dans l'islam, mais il était très attiré à l'islam. Il était, si on veut, très proche de l'islam. Il n'était pas entré dans l'islam, mais le prophète, alayhi salam, l'a appelé à l'islam. Et il lui dit, donc, Abu Bara, au prophète alayhi salatu wassalam, si tu as envoyé tes compagnons ici, appelez les gens du Najd, tu verrais ceux-ci entrer en islam. Donc il lui a proposé d'envoyer des compagnons vers le Najd pour appeler à l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a su ce qui s'était passé et ce qui l'a attristé, ce qui lui a fait mal, c'est-à-dire la perte de 10 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam lors du complot à Rajia. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a hésité, lakin le souci du prophète alayhi salatu wassalam principal c'était quoi? C'était de transmettre la religion. Bien qu'il y ait des compagnons qui sont morts, mais ça ne s'arrête pas là. Regardez l'enseignement prophétique et la méditation qu'on doit avoir quant à la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. 10 compagnons qui meurent dans le même mois, le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'on lui dit envoie des compagnons avec nous, des personnes pour enseigner l'islam, est-ce que le prophète s'est dit non, on va laisser un temps de répit, mais parce que là il y a eu 10 personnes qui sont mortes, il y a eu un complot, je préfère prendre mes précautions. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 70 compagnons qui faisaient partie des meilleurs des compagnons. Pourquoi les meilleurs des compagnons? Ils faisaient partie des meilleurs des compagnons, ils faisaient partie de ce qu'on appelle Al-Qurra, c'est-à-dire ceux qui connaissaient Al-Qur'an Al-Karim par cœur, qui l'apprenaient Al-Qur'an Al-Karim par cœur, et qui appliquaient Al-Qur'an Al-Karim par cœur, qui vivaient avec Al-Qur'an Al-Karim par cœur. Ça c'était qui? Al-Qurra. 70 le prophète a envoyé avec eux. Il a envoyé 70 comme il a relaté dans Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam a dit donc à cette personne Abu Barra, il lui a dit je crains quand même pour eux dû à ce qui était arrivé à Radia. Et qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien ce qu'a dit cette personne-là. Il a dit ya Muhammad, moi je serai leur protecteur. Moi je m'engage à les protéger. On sait que les Arabes avaient une parole. Il a dit moi je serai leur protecteur. Le prophète alayhi salatu wassalam, soucieux de la transmission de la religion, a envoyé ses 70 personnes avec eux. Anas radiyallahu anhu arda a dit à propos d'eux, comme il est relaté dans Sahih Muslim. Qu'est-ce qu'il a dit à propos d'eux? Il dit, il récitait le Coran la nuit. C'est 70 personnes. Il récitait le Coran la nuit. Il l'apprenait et l'étudiait entre eux. Il récitait le Coran la nuit. Il l'apprenait et l'étudiait. L'étude, c'est pas pareil que l'apprentissage par cœur. Attention, l'étude, c'est autre chose. L'étude, c'est apprendre la chose dans les détails avec science. Tu prends les morales, tu prends les leçons. Il l'apprenait et l'étudiait, Al-Qur'an Al-Karim, entre eux. Et le jour, ils allaient chercher de l'eau, le déposer à la mosquée, et ils prenaient du bois, vendaient le bois eux-mêmes, donc ils trouvaient le temps. Ils vendaient le bois eux-mêmes, et avec l'argent qu'ils gagnaient, ils achetaient de la nourriture. Tout court, ils achetaient de la nourriture pour les distribuer aux pauvres et aux nécessiteux. Et particulièrement à qui? Al-Sufa. Donc c'était les pauvres qui vivaient, qui dormaient, qui mangeaient dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il récitait le Coran al-Karim la nuit, il l'étudiait et l'apprenait le jour, il prenait de l'eau, il le posait à la mosquée dans la journée, et en plus de ça il prenait du bois, il le vendait, et l'argent qu'il récupérait il distribuait aux pauvres, aux nécessiteux et aux gens qui étaient parmi les pauvres et qui vivaient dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on voit que c'était des élites parmi les compagnons. Et le prophète a envoyé 70 d'entre eux. Clair? Il en a envoyé 70. Et les 70 sont partis accompagner donc cette personne-là. Et quand ils sont arrivés au puits de Ma'ouna, il y a un compagnon qui fut chargé de porter une lettre. À une personne qui était ou qui faisait partie de la tête des mécréants. Il s'appelait Amir ibn Tufayl. Et à peine le compagnon qui s'appelait Haram s'est présenté devant lui, que Amir ibn Tufayl donna l'ordre à un de ses hommes de lui planter un coup de couteau dans le dos, et ceci sans savoir ce qu'il y avait dans la lettre. Le compagnon est parti et il a reçu l'ordre de planter ce compagnon-là et de le tuer. Ce compagnon a dit Allahu Akbar, j'ai réussi et j'ai gagné. Car leur but principal, c'était pas d'acquérir les choses mondaines d'ici-bas, mais c'était de quoi satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Khlas, il a accompli sa mission. Il se fait tuer, Allahu Akbar, j'ai réussi, j'ai gagné. Radiyallahu anhu wa arda. Suite à cet événement, Amir ibn Tufayl, donc qui était la tête, ou parmi les têtes des associateurs et des mécréants, il essayait de mobiliser les Bani Amir pour attaquer les musulmans. Donc il a été chercher du secours avec une autre tribu pour les attaquer. Et parmi eux, les 70 musulmans. Donc il a été demandé du soutien au Bani Amir pour attaquer les musulmans, mais ceux-ci refusèrent car Abu Bara, lorsqu'il était à Médine, qu'est-ce qu'il avait dit? Moi je serai leur protecteur. Donc ils ont refusé. Donc Abu Bara a refusé que cette tribu les aide. Ils ont refusé. Et ensuite, il est parti demander de l'aide à une autre tribu, au Bani Salim, qui eux ont accepté de leur venir en aide après qu'il y a eu ce compagnon qui est mort. Donc ils voulaient se débarrasser de quoi? De ces 70 compagnons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont attaqués et ils les ont tous tués. Ils les ont tous tués, sauf un compagnon qui était Ka'b ibn Zayd, radiyallahu anhu wa arda. 69 qui sont morts. 69 compagnons qui sont morts. Dans le même mois, dans la même année, et c'était parmi les élites, c'était ce qu'on appelait Al-Qurra, ils sont tous morts sauf Ka'b ibn Zayd, radiyallahu anhu wa arda. Et il y avait deux compagnons qui étaient restés en retrait pour garder le pâturage en dehors de lui, plutôt, je ne vais pas dire 69, en dehors de Ka'b. Il y avait deux compagnons qui étaient restés ici en retrait pour garder le pâturage. Et ces deux compagnons, il s'agissait de Amr ibn Umayya et Munzir ibn Muhammad radiyallahu anhuma. Et ces deux compagnons avaient remarqué les oiseaux planer dans un endroit. Donc ces deux compagnons qui étaient restés en retrait, ils avaient remarqué un endroit où il y avait des oiseaux qui planaient. Et Al-Munzir a vu ces oiseaux-là, il s'est précipité et il a vu ses frères en train de... Donc on parle de qui? Des Al-Qurra, ses compagnons, ses élites, en train de combattre et se faire tuer. Il n'a pas hésité, il est parti pour tenter de les défendre et de combattre avec eux, et il s'est fait tuer tout de suite lors de cet événement-là. Quant à Amr, il fut capturé et par la suite, il fut affranchi et il s'est rendu jusqu'à Médine pour informer le prophète alayhi salatu wassalam de cet événement-là. Donc il est reparti jusqu'à Médine. Mais sur la route, donc Amr, sur la route, alors qu'il était en route pour Médine, il arriva à un endroit où il trouva deux hommes pendant la route. Alors que lui fut affranchi, il est reparti vers Médine pour informer le prophète alayhi salatu wassalam de ce qui s'est passé. Il a rencontré deux hommes. Ils étaient en train de dormir et il pensait que c'était des ennemis et il les a tués. Il pensait que c'était des ennemis, il les a tués, alors que ce n'était pas du tout des ennemis. Quand il est arrivé à Médine, il a raconté ce qui s'est passé au prophète alayhi salatu wassalam, et il a raconté au prophète alayhi salatu wassalam qui l'avait tué. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, je paierai le prix du sang. Pourquoi? Pour lui faire comprendre que quoi? Ce n'était pas des ennemis. Ça n'avait rien à voir avec les ennemis qui les combattaient. Et il a dit, je paierai le prix du sang. Il avait fait une erreur. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il fut informé de cet événement-là, bien sûr, il a eu très mal. Donc, il y a eu le premier événement, la tragédie de Ar-Raji', la deuxième tragédie de Bi'ru. Bi'ru quoi? C'est quoi? Ma'ouna. Claire? Donc, quand il y a eu cette deuxième tragédie, qu'est-ce qu'il a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il est parti voir des juifs. Pourquoi? À Médine. Pour pouvoir payer avec eux, avec les musulmans, le prix du sang. Pourquoi ils vont payer le prix du sang avec lui? Pourquoi le prophète il va voir les juifs à Médine pour payer le prix du sang de ces deux personnes qui ont été tuées par erreur? Parce que ça fait partie des pactes qu'il y avait. Dans le pacte, il y avait que quoi? S'il y avait le prix du sang à payer, donc il s'alliait pour payer le prix du sang. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam a été voir donc les tribus, des tribus juives qui étaient à Médine, car il y avait les Banu Qaynuqa qui ont été chassés, mais il restait deux principales tribus à Médine. Il est parti les voir et ensuite il leur a demandé, d'accord, de participer avec eux, et ils ont accepté. Clair? Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans Al-Bukhari wa Muslim, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, après cet événement-là, il a fait du'a al-qunut. Du'a al-qunut pendant la période de un mois. Et du'a al-qunut, on l'a fait, ou bien du'a al-nazila. Donc, on peut la faire. Donc, ça, c'est quand il arrive, par exemple, une musiba. Et la communauté est touché par de grands préjudices, de grands maux. D'accord ? La communauté persécutée. On peut faire de al-qunut dans la prière, dans toutes les prières obligatoires. C'est-à-dire qu'on lève nos mains pendant la prière et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a invoqué contre ces tribus-là. Il a invoqué contre toutes les tribus qui avaient causé du tort aux musulmans. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans certains récits, comme on le verra au fur et à mesure, a invoqué contre des personnes bien spécifiques en citant leur nom. Invoqué contre eux en citant leur nom. Et ça, c'est une des preuves qu'utilisent les savants pour dire qu'on a droit d'invoquer contre des tribus ou contre des personnes ou des groupes de personnes qui ont causé du tort aux musulmans. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en citant le nom de leur tribu, comme le prophète alayhi salatu wasalam l'a fait lors de du'a al-qunut pendant un mois, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari wa Muslim, selon Anas, et on a le droit de citer même les noms si ça concerne des personnes qui portent atteinte aux musulmans. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala contre eux. Et ça, c'est l'événement qui a fait très mal au prophète alayhi salatu wasalam. C'est le deuxième événement ou tragédie qui s'est passé l'année 4 de l'Hégire pendant le mois de Safar. Et il y a eu un troisième événement, toujours dans cette même année, l'année 4 de l'Hégire. Retenez bien. Premier événement, Al-Raji'a. D'accord ? Le deuxième, Al-Ma'ouna, Bi'rul Ma'ouna. Et le troisième, il y a la trahison d'une des tribus juives de Médine. Et l'expédition contre les Banu Nadir. On avait dit à l'éveil, il y avait les trois tribus juives principales. Il y avait Banu Qaynuqa, ils ont été expulsés. Il y avait les Banu Nadir, ou Nadir. Et il y avait les Banu Qurayda. Ça, c'est les trois principales tribus juives qu'il y avait à Médine. Banu Qaynuqa, ils ont été chassés. Il y avait les Banu Nadir, on va parler d'eux aujourd'hui. Et il y a les Banu Qurayda. Ça, le récit, on va en parler par la suite ou dans les prochains cours, inshallah ta'ala, concernant cette troisième tribu. Après la bataille de Uhud, donc on avait dit que les Juifs, les tribus arabes, parmi les associateurs, se sont tous ou ont tous voulu se rebeller contre le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord ? Ils ont pensé que le prophète et les compagnons étaient dans une situation de grosse faiblesse. Ils se sont dit c'est l'opportunité, c'est maintenant ou jamais. Donc on va les attaquer. Et chacun a fait son petit complot. Donc on a vu les deux tragédies qui s'est passées. Et là les Juifs, ils ne sont pas restés sans rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à comploter contre le prophète alayhi salatu wassalam et ils se sont dit on va le tuer. Ils voulaient carrément tuer le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il vivait à Médine avec le prophète. Et ça nous rappelle encore une fois que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais opprimé les juifs ou n'a jamais chassé gratuitement les juifs de Médine et n'a jamais rompu aucun pacte, mais c'est bien eux qui ont rompu les pactes avec les musulmans. Car le caractère du musulman, c'est quoi ? C'est l'honnêteté, c'est la droiture. Tandis que le caractère principal de l'associateur ou de l'infidèle, c'est quoi ? Rompre les pactes. Pourquoi ? Car quand tu n'as pas la crainte sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui va t'empêcher de rompre un pacte ou de faire du mal à ton prochain ? Quand tu n'as vraiment pas peur d'Allah azza wa jalla, tu n'es pas sûr qu'Allah azza wa jalla te voit, tu n'as pas la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, que même si tu te retrouves tout seul dans un endroit et que tu veux faire du mal à ton frère, Allah Azza wa Jal te voit, qu'est-ce qui va t'empêcher de lui faire du mal ou de rompre un pacte ? Le musulman, le caractère du musulman, c'est quoi ? La droiture, l'honnêteté, et ce n'est pas la trahison. Ça, c'est plutôt le caractère représentatif des qui ? Des infidèles ou des associateurs qui cherchent à tromper les musulmans ou qui cherchent à tromper Allah Azza wa Jal. Mais ils ne trompent que eux-mêmes, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Saint Coran. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les juifs de Banu Nadir, donc on parle d'eux, cette deuxième tribu juive, il faut retenir ces noms de tribus. Donc, ils se mirent à manifester de l'hostilité envers le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ce qu'ils ont cherché à tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Le récit, après le retour de Amr ibn Umayya, qui a tué par erreur les deux personnes. D'accord ? Après son retour. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ou on a dit plutôt, que le prophète a cherché de l'aide pour payer le prix du sang. Clair ? Ils ont accepté, mais ils ont dit quoi ? Ils ont dit, par contre, on accepte, il n'y a pas de souci, mais tu viens ici, tu nous attends un peu, quelques instants ici, nous on doit se voir entre nous, on a des petites choses à régler entre nous, et ensuite on se revoit, il n'y a pas de souci, mais nous on accepte. Regardez. Et ça, on voit que c'est quoi ? Un complot. Regardez, c'est que de la trahison, de la traîtrise. D'accord ? On voit quoi le caractère de traître qu'il y a ici ? C'est que des complots. Ils voulaient vraiment faire du mal au prophète alayhi salatu wassalam. Regardez tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam a subi. Et avec ça, et tout ce qu'on a vu tout au long de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam a subi dès sa naissance, dès son enfance, il n'a pas connu son père, il a vu sa mère mourir, il a vu son oncle mourir, etc., etc., les préjudices qu'il a eu, etc. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais perdu son sang-froid. Il est toujours resté droit, toujours resté honnête, et il n'a jamais répondu au mal par le mal. Jamais répondu au mal par le mal. Et il s'est énervé. Et on voit ça tout au long de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, que quand les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient dépassées. Que à ce moment-là. Si quelqu'un te dit le prophète il s'est jamais énervé, on dit t'es un menteur. Le prophète il s'est énervé. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans beaucoup de récits prophétiques authentiques, il devenait rouge. Il s'énervait même contre des compagnons. Même contre des compagnons, pour les exhorter, pour les mettre en garde de ne pas refaire cette erreur-là. Car les compagnons faisaient des erreurs. Bien qu'ils soient les meilleurs des créatures sur la surface de la terre après les envoyés et les prophètes, ils ont fait des erreurs. Mais le prophète alayhi salatu wassalam ne s'énervait que quand les limites d'Allah azzawajal étaient dépassées. Que quand il y avait une désobéissance à Allah azzawajal ou au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ça c'était la droiture, ça c'était l'équité, ça c'était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est lui l'exemple à suivre. Celui qui veut être un prédicateur, il se doit... On ne va pas dire d'être comme le prophète, tu ne pourras pas. Mais de suivre au maximum le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et essayer de rapprocher son caractère et sa moralité au maximum du caractère et de la moralité du prophète alayhi salatu wassalam. Et de ne pas être faible, de ne pas être susceptible. Dès qu'on te taquine un peu ou qu'on te dit une petite réflexion ou un conseil. Ou alors, non, tu ne vois pas le mal partout comme le font certains égarés. Wal'iyadu billah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a pris énormément sur lui, il a patienté énormément, ce n'est pas des petites épreuves, il a patienté comme personne sur la surface de la terre a patienté. Et regardez le prophète alayhi salam, toujours, il gardait son sang-froid et son souci principal était toujours transmettre la religion avec sincérité. Le prophète est resté, Allah azza wa jalla a révélé au prophète alayhi salatu wassalam qu'ils étaient en train de comploter contre lui et qu'ils voulaient le tuer. Regardez, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient prendre des pierres, prendre des pierres, etc., pour jeter sur le prophète alayhi salam, s'acharner sur le prophète alayhi salatu wassalam pour l'exterminer, pour le tuer. Allah azza wa jalla a révélé au prophète alayhi salatu wassalam qu'ils voulaient le tuer, qu'ils étaient en train de comploter. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait demi-tour et est parti vers Médine. Avertir as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Et il y a une différence entre le fait de tourner le dos ici par peur, d'accord, pour prendre la fuite, ou tourner le dos par stratégie, d'accord, ou pour préserver sa vie, parce que tu n'as pas le choix. Et tu sais que quoi, en tournant le dos, il y aura plus de bénéfices, d'accord, ou de bénéfices, ou il y aura plus de biens, ou de choses positives, que si tu restais. D'accord, il y a une différence. Car on sait que tourner le dos lors du combat, comme le prophète a dit, ça fait partie de Al-Kaba'ir. Le prophète, il n'est pas parti parce qu'il avait peur et il se réfugier à Badan. Il a eu une révélation, il est parti pour revenir avec qui? As-sahaba radiyallahu anhu wa arda. Vous voulez la guerre, il y aura la guerre. Le prophète est revenu. Et il est revenu vers cette tribu de juifs qui étaient les Banu Nadir. D'accord? Il est revenu avec as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Et le prophète a envoyé une armée d'hommes pour leur demander de quitter Médine. Et les Banu Nadir, paniqués, ils sont partis se réfugier dans leur sorte de forteresse. Et ils sont partis se réfugier, et là, il y a une personne qui est venue, qui était Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, celui dont on a parlé au début du cours, et on en a parlé, et on en parlera encore, Inch'Allah ta'ala, tout au long de la biographie du prophète. C'est un nom à retenir. C'était la personne qui faisait partie des têtes des hypocrites. D'accord? Si ce n'est la tête des hypocrites. Abdullah Ibn Ubay, Ibn Saloul. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a su que le prophète alayhi salatu wassalam, donc, a ordonné à une armée d'aller les chasser, regardez, ils ne sont pas partis les attaquer, alors qu'ils voulaient tuer le prophète. Regardez un peu le comportement du prophète alayhi salam. Ils vont et leur disent quittez Médine. Quittez Médine. Ça, c'est une religion qui veut répandre le sang et qui a répandu le sang gratuitement. Alors que là, peut-être n'importe quelle autre personne qui a n'importe quelle autorité, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il les aurait attaqués, il les aurait exterminés direct. Le prophète A.S.M. il a envoyé une armée pour leur dire quittez Médine. Khalas, vous avez rompu le pacte, donc maintenant quittez Médine. Ils ont refusé, ils sont partis se réfugier dans la forteresse. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il leur a dit, écoutez, vous restez et restez fermes, et moi j'ai 2000 hommes avec moi qui vont vous accompagner, qui vont vous soutenir et qui vont vous protéger. Donc restez fermes, ne quittez surtout pas Médine, sinon vous allez être perdants. Regardez, là on voit le comportement de quoi? D'un hypocrite. Un hypocrite peut faire plus de mal à toute une communauté qu'un quoi? Qu'un infidèle, qu'un non-musulman, qu'un mécréant. Pourquoi? Parce qu'un hypocrite, il a l'image de quoi? Il a l'image de l'islam. Ici, de façon extérieure, il montre l'islam. Donc tu es trompé par lui. Alors qu'à l'intérieur, il est contre l'islam. Ça, c'est la grande hypocrisie. Wal'iyadu billah. Et ça, comme disent les savants, ils sont plus graves et ils sont plus néfastes que les non-musulmans qui veulent attaquer l'islam. Parce qu'un hypocrite, il peut être dans tes rangs, il peut être à côté de toi. Comme à plus petite échelle, une personne qui est à côté de toi et qui te veut du mal, d'accord? Et toi, tu ne sais pas qui te veut du mal, est plus néfaste pour toi que la personne qui est contre toi et qui te veut du mal. Mais tu sais que lui, c'est ton ennemi. Parce que quand la personne est avec toi dans les rangs, il peut faire plus de dégâts que la personne qui n'est pas avec toi dans les rangs. Ça, c'est clair et c'est connu. Donc cette personne, il a été motivé. Les juifs, il leur a dit, restez-moi, j'ai 2000 hommes. Alors que c'était que mensonge, mythomanie. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des hypocrites dans le Coran al-Karim. Et il montre qu'ils sont plus néfastes que les mécréants. Et il dit quoi? Bien que c'est de la grande mécréance, mais on parle particulièrement de l'hypocrisie. Les hypocrites sont dans le degré le plus bas de fi darki al-asfali min an-nar. Le degré le plus bas de l'enfer, wal'iyadu billah. Qui? Les hypocrites. Ce n'était que mensonge, et ça c'est la technique des hypocrites. Ils mentent, et ils sont prêts à tout, simplement pourquoi? Pour combattre les gens de bien. Les juifs ont dit, on ne prendra jamais la fuite, faites ce que vous voulez, nous on reste ici. Et ils sont restés. Le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons les ont assiégés pendant une période de 15 jours à peu près. Pendant une période de 15 jours, ils ont été assiégés. Et ils jetaient sur le prophète alayhi salatu wassalam des pierres et des flèches et sur les compagnons. Et ils étaient en position, pas de force, mais ils étaient bien positionnés, comme disent les historiens, parce qu'ils étaient entourés par des quoi? Par des palmiers. Et ils étaient bien positionnés par rapport aux palmiers, et c'est à ce moment-là que les compagnons ont décidé de quoi? De couper tous les palmiers. D'accord? Parce que c'était à leur avantage. Ils ont coupé tous les palmiers et là ils ont été pris de panique, ils se sont rendus et ils ont dit laissez-nous partir, on quitte Médine. Il n'y a pas de problème, on quitte Médine. Le prophète Al-Sassam les a laissés quitter Médine. Regardez un peu le prophète Al-Sassam. Non seulement ils veulent le tuer, mais en plus de ça ils persistent. En plus de ça ils combattent le prophète Al-Sassam. Ensuite ils se rendent, ils disent laissez-nous quitter. Le prophète il dit quittez Médine. Adez le prophète Mohammed Al-Sassam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et ça, nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'ensemble de l'humanité. Le prophète A.S. ce n'est pas une personne qui voulait absolument faire du mal. Maintenant, nous, on voit des gens, je dis bien à plus faible degré, hein. On voit des gens qui voient le mal partout. Ils voient son frère, ils voient que du mal en lui. S'ils pouvaient le tuer, ils le tueraient. Le prophète A.S. envers des juifs. Et qui voulait le tuer, et il dit, vous voulez quitter. Bon, maintenant, quittez Médine. Khalas, vous ne voulez pas m'écouter. On ne vous a combattu. Quittez Médine. Il y a une partie qui est partie où? À Khaybar, et on en parlera de Khaybar. Une partie de ces juifs qui font partie de Banu Nadir sont partis à Khaybar. D'accord? Une autre partie est partie, ou une autre partie, ou un autre groupe de ces juifs-là, de cette tribu-là, est parti où? Au Shem. Comme les premiers de Banu Qaynuqa. Donc, ils sont partis vers le Shem. Ils se sont divisés. Et ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Leur argent, leurs biens, jusqu'à ce qu'ils aient détruit leur propre maison. C'est à ce moment-là. Et retenez cet événement-là. Ils ont pris tous leurs biens, sauf leurs armes, jusqu'à ce qu'ils détruisent leur propre maison, poussés par quoi? La peur, la crainte et ils voulaient, comme certains historiens disent, jusqu'à ce qu'ils voulaient prendre, ou plutôt ils ont détruit leur propre maison, poussés par leur peur et la crainte qu'ils avaient, mais aussi pour vraiment quoi, à votre avis? Rien laisser, mais quoi? Pour prendre même les charpentes. Tout ce qu'ils pouvaient prendre, ils prenaient. Yahoud. Tout ce qu'ils pouvaient prendre, ils prenaient. Ils détruisaient. Ce qu'ils pouvaient prendre, quand ils détruisaient la maison, ils détruisaient pour récupérer tout ce qu'ils pouvaient prendre des constructions de leur maison. Subhanallah. Et ils détruisirent, ou ils ont détruit leur maison de leur propre main. Allah Azza wa Jalla parle de cet événement dans le Coran al-Karim. Il dit dans Surat al-Hashr, il dit, c'est lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas. Dans Surat al-Hashr, verset 2, hein. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas. Lors du premier exode, vous ne pensiez pas qu'ils partiraient, et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah Azza wa Jal. Vous voyez, Allah il parle de cet événement là. Ils étaient, ils pensaient être en sécurité dû à quoi? Leur forteresse, d'accord, et leur endroit stratégique. Mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point, et a lancé la terreur dans leur cœur. Ça nous rappelle que quoi? Regardez, c'était qui était en train de combattre? C'était les compagnons. Mais on voit que quoi? Et ça nous rappelle encore que quoi? Tu as beau être je ne sais qui, tu restes qu'une cause. Et tout ce qui se passe, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, c'est Allah azza wa jal qui dit dans le Coran al-Karim, comme si Allah azza wa jal lui-même les combattait directement. Il les combattait certes Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui a mis la crainte dans leur cœur. Mais eux, les compagnons, ne sont que des causes. On a besoin des causes, mais ça reste que des causes. Regardez Allah Azza wa Jalla comment il parle de cet événement-là. Et il dit, mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point et a lancé la terreur dans leur cœur. C'est qui a mis la terreur dans leur cœur? C'est Allah Azza wa Jalla. Ça nous rappelle que c'est pas ton physique qui va faire peur à l'ennemi. C'est pas ton intelligence qui va faire peur à l'ennemi. Ta stratégie qui va faire peur à l'ennemi. Mais c'est ta piété. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va mettre la crainte dans leur cœur. C'est Allah Azza wa Jalla qui met la crainte dans le cœur de l'ennemi. Et ça, il faut avoir certitude. Et plus tu te rapproches d'Allah Azza wa Jalla, et plus tu agis conformément aux ordres divins et prophétiques, et plus Allah subhanahu wa ta'ala te donnera le secours et mettra la crainte dans le cœur de l'ennemi. D'accord? Toi, tu n'es qu'une cause. Et ce n'est pas ton physique qui va impressionner l'ennemi. Et c'est pour ça que, comme j'ai cité dans le précédent sermon, le hadith qui nous rappelle que le croyant doit être modeste et assister les pauvres. Quand le prophète alayhi salatu wasalam dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres, qu'est-ce qu'il dit? Aidez-moi à secourir les faibles, ad-du'afa. Et Allah, le prophète alayhi salam rappelle que quoi? Turzaqoun wa tunsaroun bidu'afa'ikum. Ici, vous êtes secouru, tunsaroun, et vous êtes, Allah vous apporte la subsistance par la cause des faibles. C'est-à-dire que quoi? Plus tu donnes aux faibles ce que Allah Azza wa Jalla t'a donné comme bien matériel, et plus tu portes secours aux faibles, et plus Allah subhanahu wa ta'ala t'apporte son secours, et Allah Azza wa Jalla t'apporte sa subsistance. Regardez, pour nous rappeler à être, ou nous rappeler le comportement du musulman qui est quoi? At-tawadu', la modestie. Et que tu n'es qu'une cause, et que c'est Allah Azza wa Jalla qui secourt. Car Allah Azza wa Jalla secourt le croyant et les croyants par la cause de quoi? Des faibles, c'est pas des forts. Tu restes qu'une cause. As-sahaba ne reste qu'une cause, et ça nous pousse à avoir quoi? At-tawakkul wal-yaqin ala Allah Azza wa Jalla. La confiance et la certitude envers notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dans n'importe quelle situation. Et on connaît tous le récit de Ibrahim alayhi salam qui a été jeté dans le feu, et où Allah subhanahu wa ta'ala dit au feu, قُلْنَا يَا نَارْ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمِ. Au feu, soit paix, ou plutôt fraîcheur et paix pour Ibrahim. Fraîcheur et paix pour Ibrahim. Un feu qui a été fraîcheur et paix pour Ibrahim. Pour nous rappeler que le feu brûle par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit, il démolissait, c'est-à-dire al-Yahoud de Banu Nadir, il démolissait de leurs propres mains autant que des mains des croyants leur propre maison. Ils démolissaient leur maison de leurs propres mains autant que des mains des croyants tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Allah Azza wa Jalla, il rappelle que eux-mêmes, ils ont détruit leur maison de leurs propres mains. Et ils étaient pris de peur. La peur qui se trouvait dans leur cœur et qui a été mise dans leur cœur par Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les événements qu'il y a eu lors de cette quatrième année de l'Hégire, d'accord, après cette fois-ci le mois de Safar, après qu'il y a eu les deux principales tragédies qui se sont passées au mois de Safar, il s'est passé des choses, des événements, et parmi ces événements-là, il y a eu le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Zaynab, fille de Khuzayma, radiyallahu anha wa ardaha. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est marié avec Zaynab, qui était appelée aussi Ummul Masakin, la mère des pauvres. Pourquoi? Car c'était une femme qui donnait beaucoup, beaucoup d'aumônes, qui assistait, qui aidait beaucoup les pauvres, les nécessiteux, bien que ce soit une femme. Et ça, c'est une leçon pour nos sœurs aussi, que toute femme qui veut prendre l'exemple des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'elle commence aussi à prendre l'exemple de cette femme qui était Zaynab bint Khuzayma, radiyallahu anha wa ardaha, qui était appelée Ummu al-Masakin, la mère des pauvres, qui assistait et qui aidait et qui nourrissait beaucoup les pauvres, et elle a eu ce surnom-là à Fouane. Donc les femmes aussi peuvent participer quant à l'aide des faibles et des pauvres, et c'est demandé selon leur capacité. Et elle se mariait avec le prophète alayhi salatu wassalam après la mort de son mari qui était mort à la bataille de Badr, et qui lui, son mari, était le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Son mari était le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Quand son mari est mort à la bataille de Badr, le prophète alayhi salatu wassalam, cette quatrième année de l'Hégire, après ces tragédies-là, il s'est marié avec elle qui était Zaynab. Claire? Et il s'est marié aussi la même année avec Umm Salama, radiyallahu anha wa ardaha, qui elle aussi était déjà mariée. Mais son mari était mort. Et son mari était Abu Salama radiyallahu anhu arda. Quand son mari est mort, le prophète alayhi salatu wassalam a épousé aussi Ummu Salama radiyallahu anha wa arda. Ça c'est la quatrième année de l'Hégire. Et le prophète alayhi salatu wassalam, à la quatrième année de l'Hégire, était marié avec six femmes. Il s'était marié avec qui? Avec la première, Khadija avant Saouda. Khadija, après Saouda, après Aïcha, après Hafsa, après Zaynab, après Salama. Retenez les six femmes. Et comme ça, on sait au fur et à mesure, yani, quand on connaît les dates, ça nous permet de retenir bien, yani, le nombre d'épouses qu'a eu le prophète et leur nom. Claire? Donc il y a eu avant tout Khadija, ensuite Saouda, ensuite Aïcha, ensuite Hafsa, ensuite Zaynab, ensuite Salama. Donc six femmes qu'il avait le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'on est à l'année 4 de l'Hégire. Et la même année aussi, qu'est-ce qu'il y a eu parmi les événements? On sait que avant l'année 4 de l'Hégire, il y a Ali radiyallahu anhu wa arda qui s'était marié avec Fatima radiyallahu anha wa ardaha. Claire? Ali, ce grand compagnon qui était marié avec Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, et ils avaient déjà eu Al-Hassan, cet enfant-là. Mais cette année-là, la quatrième année de l'Hégire, est venu au monde Al-Hussein, le deuxième petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est la quatrième année de l'Hégire. Donc on voit qu'il y a eu deux mariages du prophète alayhi salatu wassalam et la naissance de son petit-fils qui est Al-Hussein radiyallahu anhu wa arda, et Al-Hassan et Al-Hussein sont appelés aussi dans un récit prophétique authentique, yani, les maîtres des enfants du paradis radiyallahu anhuma. Ça c'est les principaux événements, c'est les grandes lignes de ce qui s'est passé pendant la quatrième année de l'Hégire après la bataille de Uhud. Donc retenez bien ces événements. On a dit la première tragédie, c'est la tragédie de Ar-Rajir. La deuxième tragédie, où le prophète alayhi salatu wassalam a perdu 70 compagnons, il y a eu la tragédie de Bi'ru Ma'una. Ensuite il y a eu la troisième, ou le troisième événement, ça a été la trahison des juifs de la tribu de Banu An-Nadir, ceux qui ont trahi le pacte et ils ont été chassés vers le Najd, ou plutôt à fond vers Khaybar et vers Hashem. Claire? Et ensuite ce qu'on peut retenir de cette quatrième année, le mariage du prophète avec Zaynab bint Khuzaima et aussi avec Umm Salama et la naissance de son petit-fils Al-Hussein. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu.